Mais comme tous les lundis, d'abord un feuilleton sur la fabrique de la guerre froide et puis également l'actualité des parutions avec la parution du dernier livre de l'historien Henri Rousseau. Dans la fabrique de ce lundi, nous commencerons par le 27e épisode de la fabrique de la guerre froide par Anaïs Quin et puis Henri Rousseau nous présentera son dernier ouvrage « Face au passé, essai sur la mémoire contemporaine » dans lequel il fait évoluer ses positions sur l'histoire de la mémoire. Et puis en deuxième partie de cette émission, Martha Medeiros ouvrira notre semaine consacrée à l'histoire de l'amour en nous présentant « La loi de la chair, le droit au corps du conjoint » dans l'œuvre des canonistes aux publications de la Sorbonne dans lequel elle s'interroge sur la place du consentement et de l'acte sexuel dans la conception chrétienne du mariage médiéval. Mais tout de suite, 27e épisode de la fabrique de la guerre froide par Anaïs Quin, consacré cette fois-ci avec l'historienne Jenny Raflick à la résolution Vandenberg qui ouvre la voie à un pacte militaire entre les États-Unis et ses alliés en temps de paix. We must remember that Australia, New Zealand and Canada are President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb. I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy. La fabrique de la guerre froide. Le 11 juin 1948, le sénateur américain Arthur Vandenberg obtient un changement majeur dans la politique des États-Unis. Désormais, il leur est possible de conclure une alliance militaire en temps de paix. Les États-Unis sortent de leur traditionnel isolationnisme et le bloc de l'Ouest s'organise militairement face au bloc de l'Est. Jenny Raflick. Alors, pour les États-Unis, on est dans une période un peu charnière. Et là, la personnalité de Vandenberg est intéressante, puisqu'il est membre du Parti républicain, mais il vient d'être nommé à la tête de la Commission des affaires étrangères du Sénat. Et il va œuvrer pour rompre avec la politique isolationniste, bien que républicain, et pour aller vers plus d'internationalisme. Il va d'abord œuvrer pour relancer les crédits du plan Marshall, développer les crédits du plan Marshall. Et il va surtout œuvrer, via cette résolution Vandenberg, pour engager les États-Unis en Europe. Alors, il le fait de façon indirecte, puisque dans la résolution qu'il écrit, il est question surtout de l'ONU. Mais concrètement, ça permet immédiatement aux États-Unis de participer comme observateurs aux travaux du traité de Bruxelles, et puis ça lance tout de suite le début des négociations officielles du traité de Washington, qui va aboutir à la création de l'OTAN. Alors je dis bien officielle, parce que de fait, avant la résolution Vandenberg, la résolution date du 11 juin, elle est votée le 11 juin, mais entre janvier et mai 48, il y a déjà des consultations officieuses entre militaires, entre officiers, pour réfléchir à ce que pourrait être un pacte atlantique. Une alliance atlantique, on lui donne pas encore le nom, c'est pas encore l'OTAN bien sûr, mais on réfléchit déjà dans le plus grand secret à ce qui pourrait être fait. Très concrètement, qu'est-ce que l'OTAN ? C'est le nom de l'organisation, et l'organisation, elle, n'apparaît qu'en 1950. Elle apparaît un petit peu plus tard. Dans un premier temps, c'est l'Alliance Atlantique qui est signée en avril 1949. C'est vraiment la mise en défense du continent européen avec l'apport de troupes américaines, de forces américaines, l'engagement américain sur le continent européen. Et qu'est-ce qui amène les États-Unis à changer d'attitude, à sortir de cet isolationnisme dont ils se réclamaient depuis la fin de la guerre ? Dans le contexte de 1948, on a vraiment un débat politique très fort aux États-Unis entre les tenants de l'isolationnisme et puis ceux qui veulent absolument commencer à prendre des gages sur le territoire européen, préparer l'avenir et se prémunir d'une éventuelle Troisième Guerre mondiale en cas d'agression soviétique. Il y a une première école, chapelle, qui préfère rester en retrait pour ne pas prendre le risque d'être entraîné dans une guerre par les Européens, et une deuxième école qui se dit qu'il faut mieux être en position de force pour empêcher, dissuader cette agression soviétique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de cette nouvelle posture américaine au plan international, à la fois cette résolution Vandenberg qui va permettre l'Alliance Atlantique et ces négociations du traité interaméricain d'assistance réciproque, le TIAR? Alors, les États-Unis s'engagent dans le monde entier. L'ambassadeur de France aux États-Unis, à l'époque, Henri Bonnet, dit clairement qu'avec cette résolution Vandenberg, les États-Unis viennent de rompre avec l'isolationnisme. C'est ce qu'il écrit au Quai d'Orsay à Paris. C'est l'entrée des États-Unis dans le multilatéralisme et dans une vision du monde qui est totalement différente. Et qui leur donne quelle posture à partir de ce moment-là? C'est difficile de dire s'ils envisagent vraiment la suite des événements tels que nous on les connaît, puisque la résolution Vandenberg ne parle que de l'ONU. Elle ne parle pas d'autre chose, elle parle sans arrêt de l'ONU. Chaque article fait mention à l'ONU. On est autour des Nations Unies. Les États-Unis ont quand même du mal à franchir directement le cap, et en tout cas, ils ne mettent pas de mots sur leur présence en Europe ou des ambitions qui seraient des ambitions autres. L'ambition, c'est la paix et la sécurité internationale via la charte de l'ONU. On a beaucoup de mal à l'époque encore à utiliser d'autres termes. Il est difficile de savoir si c'est une posture ou si c'est si à l'époque on le perçoit comme ça. Mais à l'époque, il n'est absolument pas question de qualifier les États-Unis comme tout à coup adoptant une posture de gendarme du monde telle qu'on l'a beaucoup utilisée depuis les années 80. Non, ça c'est un peu après. D'ailleurs, ça arrive même dans la propagande communiste à partir des années 50, quand les troupes américaines s'installent directement sur le territoire européen. Ce qui n'est pas encore le cas là à l'époque. Les troupes américaines, les bases de l'OTAN, en l'occurrence, c'est après 1950. C'est pas encore en 1948-49. On est dans un engagement qui est beaucoup plus informel. Le plan Marshall, un engagement économique, un engagement politique, un soutien, une réflexion stratégique, mais les États-Unis n'en sont pas encore à envoyer des troupes. D'ailleurs, l'opinion publique américaine, en 1948, il n'est pas sûr qu'elle accepterait d'envoyer des troupes, sans doute pas. Donc cette résolution Vandenberg permet de jeter les bases d'une militarisation de cette guerre froide, sans pour autant engager des troupes et prendre pied sur un théâtre de guerre conventionnelle potentielle. Cette résolution Vandenberg, elle ouvre des voies, elle ouvre des possibles, en l'occurrence des alliances régionales, y compris militaires. Elle dit pas qu'il faut le faire, mais grâce à elle, c'est possible. Et cette militarisation de la guerre froide, à quel moment sera-t-elle achevée, si on peut attendre d'une militarisation de ce type-là qu'elle soit achevée un jour ? L'élément catalyseur, la rupture, c'est 1950, la guerre de Corée, et c'est après la guerre de Corée que vraiment la guerre froide se militarise. Voilà pour ce 27e épisode du feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide par Anaïs Quien, un épisode que vous pouvez télécharger séparément de l'émission de ce jour pour garder avec vous l'ensemble de cette série. Bonjour Anaïs. Bonjour. Et bonjour à vous Henri Rousseau. Bonjour. Merci d'être là pour parler de Face au passé, essai sur la mémoire contemporaine qui paraît chez Belin en fin de semaine. Ça avance, ces questions de mémoire? Enfin, moi j'essaye d'avancer en tous les cas. C'est un peu cet ouvrage au départ, c'était un recueil d'articles, comme on en fait souvent, parmi les universitaires. Et puis pour des articles dispersés dans des articles que j'ai écrits depuis quelques années. Et puis pour différentes raisons, en fait deux essentielles. D'abord, une éditrice qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup poussé à en faire un livre cohérent. Et surtout, le sentiment que ces questions ne sont pas tirées au clair, qu'il y a une confusion. On en a eu encore un exemple il y a deux jours. Hier, 19 mars. Le 19 mars, dont je parle d'ailleurs un moment dans l'ouvrage. Donc le propos du livre est vraiment sur un certain nombre de sujets que je crois importants, enfin, de clarifier les choses et surtout de dépasser l'échelle française. Ça, c'était une de mon évolution, grâce à des collègues étrangers, des réseaux avec lesquels j'ai pu travailler, de parler de ces questions de mémoire à la fois à l'échelle européenne et surtout à l'échelle mondiale, parce que ça me paraît aujourd'hui un problème qui n'a plus rien à voir avec un seul pays. Voilà. Oui, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que vous pratiquez une sorte d'auto-regard, autocritique sur vous-même, sur la façon dont vous perceviez cette question mémorielle il y a 20 ou 30 ans, et comment, au bout du compte, certaines des conclusions auxquelles vous aviez abouti à cette époque-là, eh bien, vous pouvez aujourd'hui les mettre à distance, vous dire « je n'étais pas exactement là où il fallait », etc. Parce que, justement, cette question de la mémoire se mondialise parce que cette échelle n'est plus la même, et peut-être même parce qu'au bout d'un certain temps, eh bien, on peut dire qu'on s'est, sur certains points, trompé. Oui, tout à fait. Alors, je prends juste un exemple. J'ai beaucoup travaillé sur la mémoire de Vichy. Et lorsque j'ai commencé, j'étais persuadé que j'avais affaire à une exception française. Comme d'ailleurs la plupart des historiens qui travaillent sur la France sont convaincus que la France a une histoire exceptionnelle et que voilà. Et il m'a fallu quelques années pour comprendre que ce que j'avais appelé le syndrome de Vichy était d'abord un phénomène européen, qu'on a pu observer beaucoup plus facilement évidemment dans les années 90, que je n'ai pu le comprendre lorsque j'ai créé le syndrome de Vichy. Et surtout, j'ai eu la chance, grâce à ces travaux, de pouvoir voyager. C'est ça le point de départ. C'est-à-dire, c'est une expérience de terrain, c'est une expérience empirique. J'ai eu la chance de voyager dans nombreux endroits du monde où on m'invitait pour parler de ces questions-là, mais souvent avec l'idée de comparer avec des situations locales, enfin locales, dans le pays même, par exemple en Corée, par exemple. Je prends cet exemple. La même année, je me suis retrouvé en Corée du Sud pour un colloque sur la collaboration franco-coréen et au Chili. Pour parler de mémoire, et sur des sujets qui n'avaient absolument rien à voir avec l'histoire de la France ou l'histoire de l'Europe. Et c'est là où j'ai commencé à percevoir à quel point ce qu'on appelle les régimes mémoriels, la façon de se représenter le passé, la place qu'on lui donne dans nos sociétés contemporaines, pouvait avoir des comparaisons, pouvait avoir des similitudes. Voilà. Anaïs Kien. Oui, vous proposez une définition de la mémoire en termes de pratique sociale, Henri Rousseau, mais vous interrogez à la fois cette pratique sociale collective de la mémoire, mais aussi la vôtre, la façon dont vous êtes interpellé dans ces enjeux de mémoire et à divers titres, dans les médias, dans vos ouvrages. Je sais que vous avez participé aussi à un certain nombre de documentaires pour la télévision, également aux mises en justice de l'histoire. Oui, alors ça, c'est un phénomène, je crois, qui touche la plupart des historiens, hein, qu'ils soient du temps présent ou autre, et en particulier ceux qui travaillent sur des questions de mémoire ou sur des sujets comme les grandes crises de l'époque récente. Donc, ça veut dire que ça implique une réflexivité. C'est un mot qui paraît aujourd'hui banal dans les sciences sociales, qui est probablement banal pour des sociologues ou des anthropologues, qui l'est un peu moins pour les historiens. Une nouvelle forme de réflexivité pour le métier d'historien. Oui, je pense qu'il faut l'intégrer au point de départ de la recherche. C'est-à-dire, notamment lorsqu'on travaille sur des questions de mémoire, savoir qu'on va produire des effets. C'est presque une banalité ce que je dis là, mais je me suis interrogé, oui, sur le fait de travailler sur certaines périodes, le fait que ces périodes soient des enjeux de mémoire, donne à l'historien une position, qu'il le veuille ou pas, hein, tout à fait particulière. Et dans cet ouvrage, par exemple, à la fois, non pas que j'admets des erreurs, c'est pas la question, mais les sujets ont évolué. Bon, je le dis à un moment, l'histoire de la mémoire est une histoire comme les autres. Voilà, c'est-à-dire qu'elle évolue, qu'il y a une nouvelle génération, par exemple, qui remet en cause l'idée d'un silence, d'un oubli, de toute cette première partie de la Première Guerre mondiale qu'on a vue comme une sorte de gigantesque trou noir. Bon, il y a donc une évolution de la recherche que je suis obligé de tenir compte comme chercheur, et donc de réinterpréter ce que j'ai pu dire par la suite. Puis il y a d'autres endroits où, au contraire, je défends mes positions. Oui, alors il y a effectivement une réinterprétation, mais il y a aussi la société qui évolue, Henri Rousseau. Vous dites, par exemple, que, effectivement, on a tous été plus ou moins dans une défense du devoir de mémoire. Ensuite, on a critiqué ce devoir de mémoire en disant on va faire du travail de mémoire. Et le président de la République, encore avant-hier, sur son discours du 19 mars, parlait encore de devoir de mémoire. Et vous vous dites, mais il faut peut-être se poser la question de cette finalité de ce plus jamais ça qui n'a jamais été accompagné, dites-vous, d'une évaluation des résultats acquis. Vous parlez même de benchmarking, c'est-à-dire de demander si tout compte fait, plus on dénonce les crimes de Vichy, plus au bout du compte, un certain nationalisme et une certaine forme identitaire ne se développent pas, ou plus l'Europe accorde une place à la Shoah comme événement référentiel de son histoire, et plus l'antisémitisme refait surface, dites-vous. On pourrait se poser la question justement des effets de ce que l'on produit quand on produit des travaux scientifiques sur une période donnée. Oui, c'est ce que j'essaie de poser comme question dans l'ouvrage. Je n'y réponds pas de manière abrupte. Enfin, vous faites un quasi-constat d'échec sur la fin de votre ouvrage. Je fais un constat d'échec sur l'un des enjeux des politiques de mémoire à l'échelle européenne. Soyons très clairs là-dessus. La mémoire de la Shoah a été un enjeu considérable dans la plupart des grands pays européens, à commencer par l'Allemagne et aussi la France. C'est ce que j'explique. Ce sont les deux pays qui ont le plus investi sur ces questions-là. Il y a eu d'abord l'extension aux autres pays européens de cette mémoire qui a posé problème, mais surtout elle est devenue paradigmatique. D'autres enjeux de mémoire se sont calqués là-dessus. Or, l'un des enjeux de cette mémoire, c'était enjeu politique, tout à fait. noble par ailleurs. C'était le plus jamais ça, la prévention contre l'antisémitisme, la prévention contre le retour du nationalisme. De ce point de vue-là, on peut se poser la question de savoir, un, est-ce que c'est réussi? Deux, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Je la fais pas directement. Bien sûr. Je fais pas de, comment dire, de corrélation abusive. Mais je suis bien obligé de constater que plus on a investi, et même on est arrivé, je crois, à un point limite, on ne pourra plus faire grand chose de neuf sur la mémoire de la Shoah, parce qu'on a à mon sens, on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire. Oh. Sur la mémoire, pas sur l'histoire. Sur la mémoire, c'est-à-dire en termes de commémoration, de reconnaissance, de réparation. Étant entendu en plus que les derniers survivants sont en train de disparaître. Bon, la question quelle est, au moins poser la question, quelle est l'efficace politique. Puis je prends un autre exemple dans l'ouvrage, parce que, encore une fois, j'ai évolué depuis mes premiers travaux. Dans les années 90, en 1994, c'est l'année où le syndrome de Vichy atteint un acmé, c'est-à-dire atteint un sommet. On débat sur le passé de François Mitterrand, on débat sur la future commémoration du Veldiv, on est un an avant le discours de Jacques Chirac, c'est l'année du génocide des Tutsis au Rwanda. Et il n'y a pas de corrélation qui est faite à l'époque dans les discours entre les deux. C'est-à-dire au moment même où on investit la mémoire comme une sorte de conjuration de la répétition du passé, se passe sous nos yeux, non seulement au Rwanda d'ailleurs, mais en ex-Yougoslavie, des génocides qui auraient pu avoir un lien. Or, c'est là où on pose la question, quelle est l'efficacité ou l'efficace des politiques de mémoire sur ce plan-là? Oui, alors certes, on ne le voit pas ou on ne veut pas le voir, ce génocide des Tutsis au Rwanda, mais vous dites ensuite que, eh bien, tout cela est récupéré par une façon de, presque parfois, de tourisme de mémoire, dites-vous, par une commémoration à l'ensemble de la planète qui prend des formes souvent semblables à celles de la commémoration de la Shoah. Et vous vous posez la question, justement, de cette mémorialisation massive, vous l'avez dit au tout début de votre intervention, Henri Rousseau, qui, d'une certaine façon, dépasse le cadre européen et qui, maintenant, atteint le monde entier. Réfléchir à la façon dont on commémore, est-ce qu'on fait des murs des noms, est-ce qu'on fait des cérémonies, des mémoriaux spécifiques, comment agencer les cérémonies annuelles ou décennales autour de la commémoration d'un génocide ou d'un massacre de masse, et vous y réfléchissez au niveau mondial, justement, Henri Rousseau. Oui, c'est le dernier chapitre que j'appelle la mondialisation de la mémoire. Alors, juste pour préciser que je n'ai pas qu'un point de vue pessimiste, c'est-à-dire mon pessimisme il porte sur un point précis, c'est la capacité des politiques mémorielles ou des discours mémoriels, qu'elles soient de l'ordre de politique publique ou de l'ordre d'action associative, à conjurer le passé. Bon, voilà. Maintenant, sur d'autres plans, là, ces politiques de mémoire ont eu des effets positifs, ou en tous les cas des effets qui interrogent l'historien. Je prends un exemple que j'ai découvert, je n'en suis pas un spécialiste, c'est celui de la Colombie, où je me suis rendu, où j'ai pu rencontrer un certain nombre de responsables. J'ai été fasciné de voir comment l'écriture de la crise colombienne, de la guerre civile qui fait rage en Colombie depuis les années 50, était sur le point, bon, c'est les discussions avec les FARC à l'heure actuelle à Cuba, sur le point de se terminer. Parmi les participants aux tables rondes et aux négociations figurent des historiens. Et ces historiens ont pour tâche de discuter sur la manière dont ce passé-là va être mémorialisé, discuté, mémorialisé, mis en musée, puisque c'est l'un des objets. Alors, ça n'est pas un phénomène en soi nouveau. J'ai même dit à l'un des responsables que son travail me faisait penser aux comités qui se sont constitués après la Seconde Guerre mondiale pour écrire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, dont ma propre institution est d'ailleurs issue. Mais la grande différence, c'est que cette préoccupation sur ce que sera le passé demain, c'est-à-dire en fait la mémoire, est une préoccupation qui est au cœur de l'événement. La guerre civile n'est pas terminée, que déjà on se préoccupe de savoir comment conserver les archives, comment recueillir des témoignages, comment concevoir des musées. Et ça, c'est un phénomène. Alors, le cas de la Colombie est exceptionnel parce qu'on est encore dans l'événement. La guerre civile n'est pas entièrement terminée, mais c'est un phénomène qu'on a observé partout. Et là, effectivement, il y a ce que j'appelle une forme de standardisation, sans mettre d'ailleurs dans ce mot un élément péjoratif. Je reprends l'exemple du Rwanda. La plupart des, non pas des mémoriaux, mais des musées du génocide des Tutsis ont été conçus par des spécialistes de la mémoire de la Shoah. C'est une agence anglaise, bon, qui est très connue. Et donc, on voit, et qui d'ailleurs agit dans d'autres parties du monde, on voit se standardiser une sorte d'esthétique de la mémoire. Et le tourisme de mémoire, qui est une évolution récente, fait partie de cette standardisation. Anaïs Kien. Et en lisant votre ouvrage, on entend quand même une forme d'appel à la vigilance, Henri Rousseau, sur cette obsession de réparer le passé qui nous empêche finalement, peut-être, en partie en tout cas, de se projeter dans un avenir. Tout à fait. Et là, je peux donner simplement un sentiment personnel. Je suis un citoyen comme les autres. au lendemain des attentats du 13 novembre, bon, j'habite le 11e arrondissement, donc voilà, ça s'est passé sous mes yeux, comme sous les yeux de beaucoup d'autres personnes. Et en entendant les discours, et notamment François Hollande dire que nous étions un pays en guerre, ce sur quoi on peut discuter, mais pourquoi pas, ce qui m'est apparu avec une sorte de violence immédiate, c'est que nous étions un pays capable de commémorer la guerre, mais avec une maestria incroyable. C'est quasiment un full-time job pour le président de la République depuis 2 ans. En revanche, nous avons perdu, et c'est normal, toute expérience de la guerre. Voilà un pays qui se trouve, dans tous les cas, c'est le sentiment que j'ai eu, peut-être que je me trompe, là je parle d'un sentiment de citoyen, non pas d'une analyse d'historien. Mais d'ailleurs, il y a eu une sensation, un sentiment de retour de l'histoire au moment où on a été frappé, où on a fait de nouveau cette expérience de la violence. La violence brutale, de masse, soudaine, extrême, fait son apparition en plein Paris en 2015, alors que nous sommes un pays qui avons pris l'habitude de commémorer les guerres, c'est-à-dire de les conjurer d'une certaine manière. Le danger pour moi, c'est pas la mémoire en tant que telle, ça ne signifie rien. Le danger, c'est d'imaginer que la commémoration suffit à poser une sorte de garantie pour l'avenir. Moi, j'aurais préféré, enfin, je le dis, bon, on est historien, mais j'aurais préféré qu'on nous dise comment, si on est en guerre, affronter cette guerre qui vient, ou cette guerre qui est là, plutôt que nous expliquer qu'on va commémorer une fois de plus toutes les victimes civiles, combattantes, etc., de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre d'Algérie. Ce qu'il est nécessaire de faire, soit. Mais je pense qu'il y a une sorte d'illusion que la commémoration remplace l'action politique. Voilà. Oui, et puis vous expliquez bien dans un des chapitres de Face au passé, et c'est sur la mémoire contemporaine, Henri Rousseau, qui paraîtra dans cette semaine chez Belin, vous expliquez bien combien aujourd'hui, nos dirigeants, qui pourtant font appel à cette mémoire en permanence, dirigeants nationaux, sont dessaisis, d'une certaine façon, de cette question de l'histoire et de l'histoire nationale en particulier, puisqu'ils sont dessaisis à un niveau supérieur, international, par exemple l'instauration des tribunaux pénaux internationaux, et ils sont dessaisis par leurs citoyens même, qui créent parfois des récits concurrentiels au récit national, et qui même parfois peuvent faire des cérémonies, et vous parliez du 11e arrondissement, qui sont des actes civiques dans lesquels l'État n'a même pas à s'insérer, parce qu'au bout du compte, c'est la masse des citoyens qui organise la commémoration et qui organise la mise en cérémonie du souvenir des victimes. Oui, tout à fait. C'est ce que j'appelle la dénationalisation par le haut et la dénationalisation par le bas. Encore une fois, sans qu'il y ait c'est pas seulement pas des jugements de valeur. Alors, est-ce que c'est vraiment une nouveauté? Il y a toujours eu quand même une prise en charge par les groupes régionaux, par les municipalités d'une commémoration immédiatement après la libération, d'ailleurs. Tout à fait. Là, vous avez raison de le préciser. C'est d'ailleurs le thème de l'exposition que j'ai organisée au Mémorial de la Shoah sur après la Shoah, précisément, où on parle de cette première mémoire et qui rappelle d'ailleurs, moi, les premières manifestations de commémoration que j'ai vues dans le 11e arrondissement rappellent, toute proportion gardée, bien sûr, ce qu'on a pu observer après la guerre. Mais le problème n'est pas là. Il y a quand même une énorme différence. Ce que j'appelle, par exemple, la dénationalisation par le haut, c'est le fait qu'aujourd'hui, des instances internationales peuvent imposer à un pays, dans une sortie de guerre ou une sortie de crise, une forme de résolution du conflit sur laquelle il va perdre la main. Le cas le plus emblématique, c'est celui du Chili, avec l'affaire Pinochet, qui n'a pas abouti. Le juge Garçon. Voilà, le juge Garçon, la compétence universelle, la possibilité de juger un responsable politique. Je prends l'exemple de Pinochet, sachant que ça n'a pas abouti, il ne faut pas non plus être dans une sorte de naïveté. Mais je fais la comparaison comme ça, presque sous forme de plaisanterie. Imagine-t-on Pétain jugé au Chili? Bon, ça n'a tout simplement pas de sens. Et je montre, par exemple, comment un certain nombre d'évolutions récentes sur la gestion des crises de par exemple, guerre civile ou génocide auraient été tout simplement impensables au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, les commissions Vérité et Réconciliation. Imagine-t-on ça en France à la place des tribunaux d'épuration? Non. Donc, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une évolution. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'évolution en général, c'est qu'est-ce qu'elle nous dit de notre rapport au passé. Oui, et ce rapport au passé est compliqué par le fait que on dit souvent, et vous y insistez, Henri Rousseau, dans votre livre, on dit souvent, on a oublié, on n'a jamais su, etc. Et vous prenez l'exemple d'un endroit de France qui s'appelle Maillé, où le président Sarkozy s'était rendu lorsqu'il était à la tête de l'État, pour dire, au bout du compte, eh bien, qu'on avait oublié ce massacre de Maillé commis par les troupes de la division d'Israël, je crois, alors qu'on mettait en avant Oradour. Vous dites, aujourd'hui, les travaux des historiens nous montrent bien qu'il n'y a pas eu d'oubli, que c'était un déficit de reconnaissance peut-être, mais sûrement pas un défaut de mémoire. Et néanmoins, tout le monde a voulu, et en particulier les journalistes, que vous mettez en cause là-dedans, parce que chaque fois qu'ils mettent en... Non, mais vous avez raison, qu'ils font quelque chose, il faut que ça soit nouveau, neuf, etc. Et vous dites justement, bah non, c'est pas neuf, ça s'est su, ça s'est connu, ça a peut-être été momentanément mis sous le boisseau, mais c'est un déficit de reconnaissance plutôt qu'un défaut de mémoire, dites-vous. Pardon, peut-être pour prolonger votre question, Emmanuel, il y a une forme de scandalisation de l'histoire qui est extrêmement agaçante quand même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on redécouvre en permanence et on est systématiquement dans une forme de syndrome de complot lié à l'histoire, à la mémoire, au passé, dans ce contexte médiatique qui est extrêmement présent, extrêmement fort d'ailleurs, pour remettre au premier plan des sujets historiques. Tout à fait. C'est pour ça que le premier chapitre du livre qui est complètement inédit, enfin, vraiment que j'ai écrit comme une sorte de longue introduction à ma réflexion, porte sur ce que j'appelle l'absence. C'est-à-dire, un historien peut constater qu'à un moment, on ne parle pas de quelque chose. On n'a pas assez parlé de la Shoah après la guerre, ou on n'a pas assez parlé de la guerre d'Algérie dans les années qui ont suivi. Bon. Et là, je m'interroge sur ce que recouvre ce terme d'absence. Et ce que j'essaie de dire, sans entrer dans le détail, c'est que souvent, pour des raisons qui tiennent à un type de discours, on appelle ça l'oubli. Parfois, c'est du silence. Or, le silence et l'oubli, c'est évidemment extrêmement différent. Et de surcroît, il y a beaucoup de différences dans les silences. Il y a des silences coupables, il y a des silences vertueux, il y a des silences, pudiques. Je prends l'exemple, ce fameux exemple du chagrin à la pitié où l'un des frères Graves, Marcel Ophuls, lui demande « Mais vous savez qui vous a dénoncé ?» Il dit « Oui, je le sais, je ne l'ai pas oublié, je le sais, mais je ne le dirai pas. » Donc, on est parti sur l'idée que nos sociétés étaient oublieuses. Or, parfois, elles ont été silencieuses et ce silence a parfois des vertus. Merci Henri Rousseau de nous avoir présenté le livre qui sort en fin de semaine, donc vous l'avez dit, un recueil d'articles, mais également avec des inédits. Vous avez tout retravaillé pour donner une unité à ce travail face au passé. Essai au pluriel sur la mémoire contemporaine, ça sort en fin de semaine chez Belin. Merci beaucoup. Martha Madero, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de votre livre qui vient d'être publié aux publications de la Sorbonne. Votre livre s'intitule « La loi de la chair, le droit au corps du conjoint dans l'œuvre des canonistes entre le XIIe et le XVe siècle ». Et vous nous expliquez dans ce livre combien, effectivement, le XIIe siècle, et en particulier à partir du milieu du XIIe siècle, il y a eu une sorte de révolution interne, pourrait-on dire, dans le droit concernant justement la question du mariage et de la sexualité, pourrait-on dire. À partir de ce moment-là, donc milieu du XIIe siècle, vous allez jusqu'à ce qu'on appelle la fin du Moyen-Âge traditionnel, vers le XVe siècle, et vous nous dites qu'il y a là quelque chose de très important pour comprendre notre modernité, notre droit d'aujourd'hui, autour justement de la question de la sexualité et du mariage. Comment en êtes-vous venue à travailler sur ce thème, Martha Madero ? Alors, je travaillais il y a déjà pas mal d'années sur la preuve dans le domaine judiciaire. Je suis historienne de formation, je ne suis pas juriste, mais je me suis approchée petit à petit et de manière très systématique depuis déjà 20 ans du droit, des questions proprement juridiques. Alors, le milieu, le milieu du XIIe siècle, la période dont on parle, c'est du Moyen-Âge scolastique. Mmh. Et cette période est essentielle non seulement pour des questions de mariage, langage et pour comprendre notre modernité sur ce plan-là, mais en général pour comprendre le droit contemporain. Mmh. Et en particulier autour de la question du mariage, c'est le moment où l'on définit les sacrements, mmh, également du point de vue théologique, et les moments où les canonistes donc construisent l'aspect juridique de la sacramentalité. Mmh. Et donc, c'est comme ça, par la preuve de l'impuissance, que je suis arrivée au sujet qui est devenu celui du livre, qui est le droit au corps du conjoint. Alors, effectivement, l'impuissance tient une place importante dans ce livre, parce qu'on voit, et vous y développez, les débats entre canonistes, en particulier Martin Madero, sur l'effectivité du mariage. Est-ce que le mariage prend son début, sa source, au moment même de la prononciation des vœux, d'une certaine façon, de la façon dont on échange son consentement, ou est-ce que le mariage, c'est le moment postérieur, théoriquement, où, effectivement, on échange sexuellement entre époux, et là, il y a des débats infinis que vous nous résumez dans la loi de la chair, entre canonistes, pour dire, voilà, est-ce que c'est la source, c'est le premier moment du consentement, ou est-ce que c'est un peu plus tard? Et tout cela se règle aux alentours du 12e, 13e siècle, dites-vous, Martin Madero. Oui, exactement. C'est-à-dire que je reprends, le point de départ est un débat qui est très connu des canonistes, et des historiens de l'Église, et du mariage en particulier, qui est qu'il y a, au Moyen-Âge, à partir du 12e siècle, deux théories de la formation du lien marital, la théorie consensuelle et la théorie coïtale. Donc la première dit, c'est le consentement par parole au présent qui réalise parfaitement le sacrement du mariage, et l'autre qui dit non, ce n'est que à partir du moment où après le consentement est intervenu un rapport sexuel que le sacrement est parfait. Donc en général, le canoniste entend tendance à dire c'est la théorie consensuelle qui triomphe. Le mariage est parfait avec l'échange de consentement au présent. Moi, je dis le contraire. C'est-à-dire, pas vraiment le contraire, mais c'est vrai, le consentement est indispensable. Aucun rapport sexuel n'a une qualification juridique en dehors du consentement. Mais, en réalité, quand on voit la casuistique, on se rend compte que sans rapport charnel, la perfection du lien n'est pas atteinte. Oui, et d'ailleurs, on peut consentir au mariage, faire en sorte que ce mariage soit parfait au moment où on y consent. Mais évidemment, si il y a impuissance du mari, en particulier plus tard, eh bien évidemment, et des deux d'ailleurs, pas simplement du mari, mais également de la femme, que va-t-il arriver de ce mariage? Est-il valide? N'est-il pas valide? A-t-on le droit de se remarier, etc. Toutes ces questions que se posent les canonistes entre le 12e et le 13e siècle, Martin Madero. C'est des questions que se posent les canonistes, même aujourd'hui. Oui. Parce que, justement, je raconte un cas qui a eu lieu en 2008 en Italie, d'un jeune couple qui a voulu se marier alors que le jeune homme était paraplégique. Et l'évêque de Viterbe a refusé le mariage ecclésiastique à ce couple parce que l'homme était impuissant. Mmh. On a fait appel à la curie et la curie a dit « Désolé, effectivement, le code de droit canonique de 1983 » considère toujours, et cela est valable aujourd'hui encore, que une personne impuissante n'est pas une personne légitime pour épouser. Et cela, ça remonte justement à ce 12e siècle. Exactement. Sur lequel vous travaillez. Ça remonte au milieu du 12e siècle. Donc, et c'est un empêchement de droit naturel. Donc, il n'y a aucune loi qui peut déroger à cela. Et comme empêchement de droit naturel, ça dirime un mariage, ça le rend nul, ça l'empêche si on connaît à l'avance, et ça le rend nul si on se rend compte après, à condition bien entendu que l'impuissance de l'homme et de la femme, parce que la casuistique se développe pour les deux, à condition que l'impuissance ait commencé avant le moment d'échange de consentement. Parce que tout repose sur un seul acte sexuel. Mmh. Oui, le premier. Oui. Évidemment, c'est le premier qui compte. Mais ce que vous nous racontez aussi, c'est que pour bien comprendre comment ces canonistes de l'Église du 12e, 13e siècle s'intéressent à cette question de la sexualité, de la validité du mariage par l'acte sexuel, eh bien, vous nous dites, il faut s'intéresser, et vous avez été élève étudiante, et vous avez travaillé avec Yann Thomas, en l'occurrence, qui, justement, dans ce domaine, a été un des précurseurs, vous intéressez à l'exceptionnel d'une certaine façon, parce que par les cas exceptionnels qui ont été posés aux canonistes de l'Église au Moyen-Âge, eh bien, on s'aperçoit de ce qu'est la norme aussi. C'est-à-dire, c'est par cet exceptionnel que l'on peut savoir effectivement ce que décide la norme de ce qu'est un bon mariage, une bonne sexualité ou pas. Martha Madero. Vraiment, la personne qui m'a le plus inspirée depuis presque 20 ans, c'est Yann Thomas, qui est malheureusement décédé en 2008. Hein. Alors, dans ce type d'analyse, qu'il avait formulé très clairement dans un article en 2005 qui s'appelait L'extrême et l'ordinaire, Yann Thomas disait, c'est, il faut comprendre l'exception, justement, la limite à laquelle la normalité peut être, disons, étirée, hein, jusqu'à quel point elle va, et ce n'est que dans l'exception que l'on comprend tout le reste. Tout le reste. Et j'ai fait la même chose par rapport à la définition de la copule sexuelle suffisante. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la copule sexuelle suffisante? Parce que ça, ça paraît évident pour quelqu'un qui est, comme vous, plongé dans les textes des canonistes du XIIe et XIIIe siècle. Mais pour quelqu'un qui vous écoute, qu'est-ce que la copule sexuelle suffisante, Martha Madero? C'est assez paradoxal, parce que aujourd'hui, l'Église soutient que la copule sexuelle suffisante, c'est la pénétration. Et cette pénétration n'a pas besoin d'être pleine, mais il faut que ce soit un peu plus qu'un début de pénétration. Ça, c'est la définition qui est actuelle, même aujourd'hui. Mais pour la période dans laquelle, sur laquelle porte mon livre, en réalité, essentiellement, la capacité à achever, à parfaire le sens du sacrement repose sur quelque chose d'infime, qui est le mélange de sémences ou le mélange des sangs. Puisque, vous savez, dans la perspective de la médecine ancienne et médiévale... Ce sont la théorie des humeurs, galénistes. Voilà, donc les sémences sont le résultat de la décoction du sang. Alors, il y a un apport séminal de la femme et de l'homme, en principe, pour les théories hippocratiques et galéniques. Pour Aristote, au contraire, la femme n'apporte qu'une matière, l'homme, la semence de l'homme, apporte au contraire la forme sans matière de cette matière sanguine. Parmi les canonistes, domine l'hypothèse hippocratique et galénique, explicite ou pas explicite, la plupart du temps pas explicite, selon laquelle il faut qu'il y ait une semence, une émission de semences féminines. Ce que, pendant tout le XIIIe siècle d'ailleurs et jusqu'au XIVe siècle, suppose que la femme est juive. Ensuite, on passe à le présumer et ensuite, on dit, bon, c'est pas si à grave. Condition qu'il y ait que la semence de l'homme rentre dans le corps de la femme et là se joigne à la matière sanguine, ça suffit. Mais, par contre, la définition de l'impuissance de l'homme est très paradoxale aussi pour nous, c'est qu'il doit avoir au moins un testicule. Il peut être capable de pénétration, mais s'il n'a pas au moins un testicule, il est considéré comme impuissant. Pourquoi ? Parce que sa semence n'est pas faite que par le transit testiculaire. Et ça va durer jusqu'à 1977. Oui, tout de même, c'est tout près de nous, en l'occurrence. Ces préoccupations, effectivement, des canonistes du Moyen-Âge. Vous nous expliquez bien, Martha Madero, que ces canonistes sont obligés de se pencher sur les corps, de comprendre comment fonctionnent les corps, de les imaginer en tous les cas, et de faire en sorte effectivement d'établir une règle, une loi canonique justement autour de cette question à la fois du mariage et de la sexualité réussie, pourrait-on dire, pour effectivement dire cela c'est la norme, cela c'est en dehors de la norme. Alors par exemple, vous nous expliquez qu'être bigame est possible dans un certain type de configuration, mais cette bigamie ne veut pas dire la bigamie telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire être bigame, c'est avoir la possibilité, quand on est un homme ou quand on est une femme, d'avoir deux amants, enfin deux maris ou femmes successifs, en l'occurrence, c'est ça ? C'est-à-dire que le cas de bigamie dont je parle est un point particulier, parce que ça concerne la limite entre le sacrement de mariage et celui d'ordination. La question de la bigamie, dans ce cas, ça veut dire qu'un homme, puisque le problème, c'est est-ce qu'on peut donner les ordres sacrés à un homme qui a été marié deux fois. Alors, ce n'est pas vraiment la question de la copule suffisante, c'est vraiment une manière par laquelle j'essaye de montrer à quel point le rapport charnel pèse dans tout cela. Et c'est parce que un homme peut avoir été marié d'abord une fois avec une seule femme et ensuite être ordonné. Mais s'il a été marié deux fois ou marié avec une veuve, donc qui avait déjà divisé son corps avec un autre, il ne peut pas recevoir les ordres sacrés. Oui, parce que ce qui est très intéressant dans ce que vous nous expliquez, que connaissent évidemment tous les spécialistes comme vous du droit canonique médiéval, c'est qu'effectivement, c'est l'union de la chair qui fait qu'on passe de deux individus à une seule chair, d'une certaine façon, par le mariage, et qu'effectivement, à partir de ce moment-là, on n'est plus qu'une chair, mais on ne peut pas être divisé au bout du compte. Ce qui explique d'ailleurs toute la législation autour de la question de l'adultère, expliquez-vous, parce qu'effectivement, pratiquer l'adultère, ça veut dire diviser sa chair, alors que justement, auparavant, on a déjà été unis en une seule personne. Exactement. C'est-à-dire que le sacrement du mariage répond, comme vous savez, à ce principe de la Genèse qui est « ils seront deux en une seule chair ». Alors, un grand canoniste de la fin du XIIe siècle va dire « cette una caro est une fiction juridique ». Ok. Alors, comment expliquer donc cette une seule chair ? En réalité, ce qu'ils vont faire, c'est pas de considérer qu'il y a fusion à un point tel que les corps disparaissent. Ce qu'ils vont dire, c'est que, au contraire, pratiquement le vocabulaire qu'on va utiliser, c'est celui des servitudes réelles. On va traiter pendant tout le Moyen-Âge le droit au corps du conjoint comme s'il s'agissait du rapport d'une chose sur une autre chose. De la même manière, par exemple, une servitude rustique, c'est de dire, j'ai le droit, enfin, mon champ a le droit, porte en soi le droit de traverser le champ du voisin pour aller au chemin public ou puiser de l'eau. De la même manière, mon corps porte en soi le droit de demander le rapport de chair sur le corps, sur cette autre chose qui est le corps de mon épouse. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir effectivement comment ces canonistes, ces grands juristes de l'Église sont obligés, pour pouvoir expliquer leurs décisions, de passer par des visions, pourrait-on dire, triviales, c'est-à-dire des visions du quotidien de toute personne qui vit au Moyen-Âge, la poutre insérée, le chemin privé, l'écoulement des eaux de pluie, et on va utiliser ces métaphores pour pouvoir essayer de faire comprendre quel va être le droit, quelle va être la loi sur le corps du conjoint, Martha Madero. Exactement, c'est-à-dire que c'est tout le vocabulaire de la possession des servitudes. Mais ça ne concerne pas uniquement le mariage, ça concerne un peu tous les rapports de pouvoir et des dominations au Moyen-Âge. Et c'est sur cette voie que j'entends continuer à travailler. Cela avait déjà été signalé également par Emmanuel Lecomte à propos du servage et du lien féodal. C'est-à-dire que les juristes du Moyen-Âge pensent les rapports de subordination entre personnes, mais aussi la juridiction, etc., dans les termes techniques de la possession des servitudes réelles. C'est-à-dire ce qu'on peut prendre d'une certaine façon. Il y a le vocabulaire de la prise, on tient les gens d'une certaine façon. Et il y a cette question-là qui est à l'œuvre, Martha Madero, pour le droit lié justement à la question de la sexualité. Exactement. Écoutez, un exemple particulier de cette servitude réelle, qui est d'ailleurs utilisée de manière ironique par certains, par un civiliste qui parle au canoniste, Alfredo Benventano, est celui de la poutre enchâssée, qui est celui alors j'ai le droit comme servitude de insérer une poutre dans le mur mitoyen, donc dans la maison du voisin. Alors les canonistes se demandent, est-ce que quand je retire cette poutre, au bout d'un certain temps, mon droit prescrit? Donc je n'ai plus le droit de ramasser cette poutre. Alors, ils vont dire, à propos de la servitude pour le moment, non. Il ne prescrit pas, ce n'est que si le voisin bouche le trou laissé béant que je perds ma servitude. Alors, ça c'est la servitude et la poutre enchâssée. Mais ce qui est curieux... Et si on l'applique ? On l'applique au rapport marital. C'est-à-dire que les canonistes vont se demander, est-ce que une fois que le rapport de chair a été réalisé une première fois, et que donc j'ai la possession de la servitude sur le corps de mon époux ou mon épouse, est-ce que par absence d'usage, mon droit prescrit ? Comme la poutre. On dit non, il ne prescrit pas. Il faut qu'un fait intervienne qui sera équivalent à boucher le trou béant. Et ce fait, dans le cadre du mariage, c'est l'adultère. Eh oui. Il n'y a que l'adultère qui permet au conjoint innocent de refuser son corps au conjoint fautif. Alors, on voit bien effectivement combien cette question-là est une question débattue dans cette période aux alentours du XIIe, XIIIe siècle. Mais on peut se demander, et peut-être nos auditeurs se demandent-ils, si tout cela n'est pas exotique, n'est pas dans une sorte d'ailleurs tellement lointain qu'au bout du compte, ça n'a rien à voir avec notre quotidien. Or, ce qui est intéressant dans votre livre « La loi de la chair », « Le droit au corps du conjoint » dans l'œuvre des canonistes, Martin Madero, c'est que vous nous expliquez bien combien il reste encore des traces de tout cela dans notre quotidien, et pas simplement dans le quotidien de l'Église catholique, par exemple, Martin Madero. À partir du moment où la période de la codification, 19e siècle, les législations civiles ont pris, par rapport au mariage, le droit canonique. C'était l'Église qui avait légiféré sur le mariage pendant des siècles. C'est une transposition civile, laïque, pourrait-on dire, d'un droit canonique établi à l'époque sur laquelle vous avez travaillé, Martin Madero. Exactement. Et donc, on trouve beaucoup de dispositions en vigueur dans lesquelles, effectivement, quelqu'un qui est impuissant ne peut pas se marier. Bon. On peut dénoncer la puissance du conjoint et rendre nul le mariage. Donc cela est toujours en vigueur. Et une des questions qui a été élaborée et discutée aussi, vous nous dites, c'est effectivement la question finale. Comment récupérer son conjoint? Une des questions importantes, effectivement, dans le cas effectivement de faute d'un des conjoints ou de manque d'appétit, pourrait-on dire, en particulier d'appétit sexuel pour l'un des conjoints. Comment faire pour pouvoir le reconquérir, le récupérer, mais juridiquement, pas simplement avec des onguents ou affaires de ce type? Que peut-on faire justement pour juridiquement récupérer son conjoint? C'est une des questions que vous débattez dans votre livre « La loi de la chair », Martin Madero. Oui, à partir des années 70 du XIIe siècle, on voit que les canonistes commencent à utiliser exactement le même vocabulaire des interdits possessoires, c'est-à-dire des actions juridiques qui permettent de récupérer la possession des choses, meubles ou immeubles, utilisent ce vocabulaire et ces techniques et ces normes pour récupérer le corps du conjoint. Donc, on va se présenter, on va intenter devant le tribunal une action possessoire ou pétitoire, ou les deux, possessoire, c'est-à-dire que d'abord on me le rende, ensuite pétitoire, est-ce que j'ai la propriété, c'est-à-dire est-ce que j'ai un mariage légitime. Mais c'est vraiment des questions qui sont exactes, qui viennent du domaine des biens. C'est-à-dire que le corps est considéré comme, effectivement, un bien comme un autre, d'une certaine façon. C'est un peu cela. À l'intérieur du régime des biens. Ouais. Ce que je dis, c'est que les canonistes produisent cette espèce d'œuvre noire, qui est celle de transformer la sexualité en un régime des biens. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Vous dites, effectivement, la canonistique achève une opération, c'est parler du sexe comme s'il s'agissait d'autre chose. C'est-à-dire, en fait, pour ne pas parler du sexe, eh bien, on va transposer le régime des biens classique sur le domaine de la sexualité, et d'une certaine façon, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire, on parle du sexe comme s'il s'agissait d'autre chose. Et Yann Thomas disait ça par rapport, il disait, le droit romain hors la religion. Comment le droit romain, par rapport aux sépultures, comment le droit romain transformait une chose religieuse en un régime de propriété. La même chose arrive avec le corps et la sexualité. Une des questions qu'on peut se poser en vous lisant et en vous écoutant, j'imagine, de l'autre côté du poste, Martin Madero, c'est y a-t-il égalité dans cette façon d'agir devant les tribunaux? C'est-à-dire, est-ce que la femme a les mêmes droits que l'homme? L'homme a-t-il les mêmes droits que la femme? Y a-t-il supériorité de l'un sur l'autre? Et en fait, vous nous expliquez effectivement qu'il y a une sorte d'égalité dans cette vision canonique du mariage et de l'accomplissement de la sexualité, Martin Madero. Absolument. Les femmes et les hommes ont exactement les mêmes droits par rapport au droit au corps du conjoint. Exactement les mêmes. Et d'ailleurs, on voit, les gens qui ont travaillé sur les officialités constatent qu'effectivement, c'est très souvent les femmes qui se présentent et qui réclament d'être réintégrées dans leurs droits, et les tribunaux leur donnent raison. Je ne dis pas qu'il y a une égalité sur tous les plans, on peut trouver d'autres éléments, mais par rapport au droit au corps, l'égalité est parfaite. Ce qui est paradoxal dans tout ceci, c'est que on parle beaucoup de la sexualité au Moyen-Âge en termes du péché, du rejet de la sexualité. Et ce qu'on oublie, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est que la sexualité est un acte obligé. c'est elle est au centre du dispositif juridique du mariage. Parce qu'elle est au centre de la société. Elle est exactement. De l'Église et de la reproduction nécessaire de cette société chrétienne. Exactement. Donc, la sexualité permise est au centre de ce qui est obligé par l'Église et non pas interdit. Merci beaucoup, Martha Madero. À une prochaine fois. Merci. France Culture. La fabrique de l'histoire. Emmanuel Laurentin. Bonjour Fabienne Castarosa. Bonjour Emmanuel. Quel meilleur moyen d'introduire le sujet qui est le nôtre demain dans le documentaire que vous avez réalisé avec Séverine Cassard, qui est l'histoire du flirt, que de se plonger justement dans ce Moyen-Âge, puisqu'au bout du compte, ces questions de comment se rapproche-t-on, quels sont les gestes autorisés, sont des questions que vous vous posez dans votre documentaire. Mais où ça commence, où ça finit, grande question. Ce documentaire s'appelle « D'une libération à l'autre, les conquêtes du flirt ». Il aurait pu aussi s'appeler « La révolution sexuelle sans sexe ». Pourquoi ? Qu'est-ce que le flirt ? Eh bien, c'est un nouveau modèle d'éducation sentimentale qui est apparu dès la fin du 19e siècle dans les milieux de la bonne société. Une bonne société qui est alors gouvernée par la loi d'airain de la double morale, c'est-à-dire d'un côté une relative liberté sexuelle pour les garçons auprès des femmes du monde, auprès des lorettes, des prostituées, et de l'autre côté, innocence, c'est-à-dire abstinence, ignorance totale pour les filles jusqu'au soir de la nuit de noces. Alors le flirt, c'est ce qui donne un peu de jeu dans ces rouages serrés. C'est un jeu qui permet une autre approche, une approche progressive, partagée, des premiers frissons amoureux. À la belle époque, ce ne sont qu'effleurements du bout des yeux, du bout des doigts, des sourires, des regards, des effleurements à la dérobée, mais c'est déjà hautement subversif. Les flirteuses sont qualifiées de demi-vierges et les moralistes crient à l'apocalypse. Alors en fait, il faut attendre la vraie apocalypse, celle des deux guerres mondiales, c'est-à-dire il faut attendre la fin des années 1940 pour que le flirt devienne réellement le nouveau modèle d'éducation sentimentale, le modèle d'éducation sentimentale dominant pour toutes les classes d'âge confondues, enfin les classes sociales pardon, confondues. Tous les garçons et les filles de leur âge s'approchent, s'apprivoisent, se mettent à sortir ensemble. Ils échangent des baisers, des caresses sur ou sous les vêtements, parfois plus, tout mais pas sain, tout mais pas le rapport sexuel accompli. Tout n'est pas autorisé, non, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas encore de moyens de contraception fiables, mais déjà, oui, je vous le disais, le flirt révolutionne l'amour. Tout d'abord parce que bien avant la pilule, il permet de dissocier le plaisir sexuel et la procréation. Mmh. Ensuite, parce que bien avant le MLF, il conduit à redéfinir les rapports hommes-femmes. Et enfin, parce que bien avant la dite révolution sexuelle, il permet de découpler l'engagement et les aventures érotico-sentimentales. On écoute un extrait de ce documentaire que vous avez réalisé avec Séverine Cassard. Ben oui, tout le monde flirtait. Quand on se retrouvait par exemple en surprise party, c'était quand même fou parce qu'on avait des grandes maisons comme ça à Biarritz. Et il y avait des divans partout, des lits partout. On pouvait passer une journée, une soirée à flirter, tous les couples là, les uns à côté des autres, comme des espèces de tas de mollusques en mouvement. Et en même temps, personne ne faisait l'amour là. Je veux dire, on était dans le flirt, mais le flirt à fond. C'est des baisers qui durent, c'est des caresses de plus en plus douces et en même temps de plus en plus parlantes sur le plan du désir. On sent que vraiment, j'ai envie de ce corps, j'ai envie de cet être, et je le fais savoir par mes mains, et je le fais savoir par la manière dont je suis contre ce corps et avec ce corps. On peut être complètement dans les bras d'un garçon pendant toute une nuit, et il peut se passer que de la tendresse, que du désir, et pas la chose, et pas la chose en question. Et justement, un jour où il y a eu un flirt qui a été un peu plus poussé que d'habitude, j'étais avec une amie qui était avec son copain, donc on était quatre dans une maison, et après cette nuit de flirt intense, les deux copines, on s'est regardées au petit déjeuner, on s'est dit, on ne sait même pas si on est encore vierge. Parce que effectivement, on était vierge le matin. Voilà un extrait du documentaire que vous avez réalisé, Fabienne Castarosa, avec Séverine Cassard, et qu'on pourra entendre demain dès 9h05 dans la fabrique. Mercredi, nous parlerons d'amour courtois, et jeudi de crime passionnel. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marseille. Jean-Frédéric, c'était avec nous à la technique, et Séverine Cassard à la réalisation.